première partie, chapitre 8. L'absence d'Andermatt se prolongeait. Monsieur Aubry Pasteur faisait des fouilles. Il trouva de nouveau 4 sources qui donnaient à la nouvelle société 2 fois plus d'eau qu'il n'en fallait. Le pays entier, affolé par ses recherches, par ses découvertes, par les grandes nouvelles qui couraient, par les perspectives d'un avenir éclatant, s'agitait et s'enthousiasmait, ne parlait plus d'autre chose, ne pensait plus à autre chose. Le marquis et Gontran eux-mêmes passaient leurs jours autour des ouvriers qui sondaient les veines du granit, et ils écoutaient avec un intérêt grandissant les explications et les leçons de l'ingénieur sur la nature géologique de l'Auvergne. Et Paul et Christiane s'aimaient librement, tranquillement, dans une sécurité absolue, sans que personne s'occupât d'eux, sans que personne devinât rien, sans que personne songeât même à les épier. Car toute l'attention, toute la curiosité, toute la passion de tout le monde était absorbée par la station future. Christiane avait fait comme un adolescent qui s'enivre une première fois. Le premier verre, le premier baiser l'avait brûlée, étourdie. Elle avait bu le second bien vite et l'avait trouvé meilleur. Et maintenant, elle se grisait à pleine bouche. Depuis le soir où Paul était entré dans sa chambre, elle ne savait plus du tout ce qui se passait dans le monde. Le temps, les choses, les êtres n'existaient plus pour elle. Rien n'existait plus qu'un homme. Il n'y avait plus sur la terre ou dans le ciel qu'un homme, un seul homme, celui qu'elle aimait. Ses yeux ne voyaient plus que lui, son esprit ne pensait plus qu'à lui, son espoir ne s'attachait plus que sur lui. Elle vivait, changeait de pièce, mangeait, s'habillait, semblait écouter et répondait, sans comprendre et sans savoir ce qu'elle faisait. Aucune inquiétude ne la hantait, car aucun malheur n'aurait pu la frapper. Elle était devenue insensible à tout. Aucune douleur physique n'aurait eu de prise sur sa chair que l'amour seul pouvait faire frémir. Aucune douleur morale n'aurait eu de prise sur son âme paralysée par le bonheur. Lui, d'ailleurs, l'aimant avec l'emportement qu'il apportait en toutes ses passions, surexcitait jusqu'à la folie la tendresse de la jeune femme. Souvent, vers la fin du jour, quand il savait le marquis et Gontran partis aux sources, « Allons voir notre ciel !» disait-il. Il appelait leur ciel un bouquet de sapins poussé sur la côte, au-dessus même des gorges. Ils y montaient à travers un petit bois par un sentier rapide qui faisait souffler Christiane. Comme ils avaient peu de temps, ils allaient vite, et pour qu'elle se fatiguât moins, ils la soulevaient par la taille. Ayant mis une main sur son épaule, elle se laissait enlever, et parfois, lui sautant au cou, posait sa bouche sur ses lèvres. À mesure qu'ils montaient, l'air devenait plus vif, et quand ils atteignaient le bouquet de sapins, l'odeur de la résine les rafraîchissait comme un souffle de la mer. Il s'asseyait sous les arbres sombres, elle sur une butte d'herbe, lui plus bas à ses pieds. Le vent dans les tiges chantait ce doux chant des pins qui ressemble un peu à une plainte, et la Limagne, immense, aux lointains invisibles, noyée dans les brumes, leur donnait tout à fait la sensation de l'océan. Oui, la mer était là, devant eux, là-bas. Ils n'en pouvaient douter, car il recevait son haleine sur la face. Il avait pour elle des câlineries enfantines. « Donnez vos doigts que je les mange, ce sont mes bonbons à moi !» Il les prenait l'un après l'autre dans sa bouche et semblait les goûter avec des frissons gourmands. « Oh, qu'ils sont bons, le petit surtout, je n'ai jamais rien mangé de meilleur que le petit !» Puis il se mettait à genoux, posant ses coudes sur les genoux de Christiane, et murmurait « Liane, regardez-moi !» Il l'appelait Liane parce qu'elle s'enlaçait à lui pour l'embrasser, comme une plante étreint un arbre. « Regardez-moi, je vais entrer dans votre âme !» Et il se regardait de ce regard immobile, obstiné, qui semble vraiment mêler deux êtres l'un à l'autre. « On ne s'aime bien qu'en se possédant ainsi, » disait-il. « Toutes les autres choses de l'amour sont des jeux de polissons. » Et face à face, confondant leur haleine, ils se cherchaient éperdument dans la transparence des yeux. Ils murmuraient « Je vous vois, Liane, je vois votre cœur adoré. » Elle répondait « Moi aussi, Paul, je vois votre cœur. » Et ils se voyaient, en effet, l'un et l'autre, jusqu'au fond de l'âme et du cœur, car ils n'avaient plus, dans l'âme et dans le cœur, qu'un furieux élan d'amour l'un vers l'autre. Ils disaient « Liane, votre œil est comme le ciel. Il est bleu, avec tant de reflets et avec tant de clarté. Il me semble que j'y vois passer des hirondelles. Ce sont vos pensées, sans doute. » Et quand ils s'étaient longtemps, longtemps contemplés ainsi, ils se rapprochaient encore et s'embrassaient doucement, par petits coups, en se regardant de nouveau entre chaque baiser. Quelquefois, il la prenait dans ses bras et l'emportait en courant le long du ruisseau qui glissait vers les gorges d'Enval avant de s'y précipiter. C'était un étroit vallon où alternaient des prairies et des bois. Paul courait sur l'herbe et par moments, élevant la jeune femme au bout de ses poignets puissants, il criait « Liane, envolons-nous !» Et ce besoin de s'envoler, l'amour, leur amour exalté, le jetait en eux, harcelant, incessant, douloureux. Et tout autour d'eux aiguisait ce désir de leur âme, l'air léger, un air d'oiseau, disait-il, et le vaste horizon bleuâtre où ils auraient voulu s'élancer tous les deux en se tenant par la main et disparaître au-dessus de la plaine infinie lorsque la nuit s'étendait sur elle. Ils seraient partis ainsi à travers le ciel embrumé du soir, pour ne jamais revenir. Où seraient-ils allés? Ils ne le savaient point. Mais quel rêve! Quand il était essoufflé d'avoir couru en la portant ainsi, il la posait sur un rocher pour s'agenouiller devant elle. Et lui baisant les chevilles, il l'adorait, en murmurant des paroles enfantines et tendres. S'ils s'étaient aimés dans une ville, leur passion sans doute aurait été différente, plus prudente, plus sensuelle, moins aérienne et moins romanesque. Mais là, dans ce pays vert dont l'horizon élargissait les élans de l'âme, seuls, sans rien pour se distraire, pour atténuer leur instinct d'amour éveillé, ils s'étaient élancés soudain dans une tendresse éperdument poétique, faite d'extase et de folie. Le paysage autour d'eux, le vent tiède, les bois, l'odeur savoureuse de cette campagne leur jouait tout le long des jours et des nuits la musique de leur amour. Et cette musique les avait excités jusqu'à la démence, comme le son des tambourins et des flûtes aiguës pousse à des actes de déraison sauvage le derviche qui tourne avec son idée fixe. Un soir, comme ils rentraient pour dîner, le marquis leur dit tout à coup « Andermatt revient dans 4 jours. Toutes les affaires sont arrangées. Nous autres, nous partirons le lendemain de son retour. Voici bien longtemps que nous sommes ici. Il ne faut pas trop prolonger les saisons d'eau minérale. » Ils furent surpris, comme si on leur eût annoncé la fin du monde. Et ils ne parlèrent ni l'un ni l'autre pendant le repas, tant ils songeaient avec étonnement à ce qui devait arriver. Donc, ils se trouveraient séparés dans 4 jours et ne se verraient plus librement. Cela leur paraissait si impossible et si bizarre qu'ils ne le comprenaient pas. Andermatt revint, en effet, à la fin de la semaine. Il avait télégraphié pour qu'on lui envoyât deux landaus au premier train. Christiane, qui n'avait point dormi, harcelée par une émotion étrange et nouvelle, une sorte de peur de son mari, une peur mêlée de colère, de mépris inexpliqué et d'envie de le braver, s'était levée dès le jour et l'attendait. Il apparut dans la première voiture, accompagné de trois messieurs bien vêtus, mais d'allure modeste. Le second landau emportait quatre autres qui semblaient de condition un peu inférieure au premier. Le marquis et Gontran s'étonnèrent. Celui-ci demanda « Qu'est-ce que ces gens ?» Andermatt répondit « Mes actionnaires, nous allons constituer la société aujourd'hui même et nommer le conseil d'administration. » Il embrassa sa femme, sans lui parler et presque sans la voir, tant il était préoccupé. Et se tournant vers les sept messieurs, respectueux et muets, debout derrière lui, « Faites-vous servir à déjeuner, » dit-il, « et promenez-vous, nous nous retrouverons ici à midi. » Ils s'en allèrent en silence, comme des soldats qui obéissent à l'ordre, et montant deux par deux les marches du perron, ils disparurent dans l'hôtel. Gontran, qui les regardait partir, demanda avec un grand sérieux « Où les avez-vous trouvés, vos figurants ?» Le banquier sourit. « Ce sont des hommes très bien, des hommes de bourse, des capitalistes !» Et il ajouta, après un silence, avec un sourire plus marqué, « Qui s'occupe de mes affaires ?» Puis il se rendit chez le notaire pour relire les pièces dont il avait envoyé la rédaction toute prête quelques jours auparavant. Il y trouva le docteur Latonne, avec qui d'ailleurs il avait échangé plusieurs lettres, et ils causèrent longtemps, à voix basse, dans un coin de l'étude, pendant que les plumes des clercs couraient sur le papier avec un petit bruit d'insectes. Rendez-vous fut pris pour 2 heures, afin de constituer la société. Le cabinet du notaire avait été préparé comme pour un concert. 2 rangs de chaises attendaient les actionnaires, en face de la table où Maître Alain devait s'asseoir, à côté de son premier clerc. Maître Alain avait passé son habit, vu l'importance de l'affaire. C'était un tout petit homme, une boule de chair blanche qui bredouillait. Andermatt entra comme 2 heures sonnaient, accompagné du marquis, de son beau-frère et de Bretigny, et suivi des 7 messieurs que Gontran appelait des figurants. Il avait l'air d'un général. Le père Auriol apparut aussitôt avec Colosse. Il semblait inquiet, méfiant, comme le sont toujours des paysans qui vont signer. Le docteur Latonne vint le dernier. Il avait fait la paix avec Andermatt par une soumission complète précédée d'excuses habilement tournées et suivie d'offres de service sans réticence et sans restriction. Alors, le banquier, sentant qu'il le tenait, lui avait promis la place enviée de médecin inspecteur du nouvel établissement. Quand tout le monde fut entré, un grand silence régna. Le notaire prit la parole. « Messieurs, asseyez-vous. » Il prononça encore quelques mots que personne n'entendit dans le mouvement des sièges. Andermatt enleva une chaise et la plaça en face de son armée afin d'avoir l'œil sur tout son monde. Puis il dit, quand on fut assis, « Messieurs, je n'ai pas besoin de vous donner des explications sur le motif qui nous réunit. Nous allons d'abord constituer la société nouvelle dont vous voulez bien être actionnaire. Je dois cependant vous faire part de quelques détails qui nous ont causé un peu d'embarras. J'ai dû, avant de rien entreprendre, m'assurer que nous obtiendrions les autorisations nécessaires pour la création d'un nouvel établissement d'utilité publique. Cette assurance, je l'ai. Ce qui reste à faire sous ce rapport, je le ferai. J'ai la parole du ministre. Mais un autre point m'arrêtait. Nous allons, messieurs, entreprendre une lutte avec l'ancienne société des eaux d'Enval. Nous sortirons vainqueurs de cette lutte, vainqueurs et riches, soyez-en convaincus. Mais de même qu'il fallait un cri de guerre aux combattants d'autrefois, il nous faut, à nous, combattants du combat moderne, un nom pour notre station, un nom sonore, attirant, bien fait pour la réclame, qui frappe l'oreille comme une note de clairon et entre dans l'œil comme un éclair. Or, messieurs, nous sommes à Enval et nous ne pouvons débaptiser ce pays. Une seule ressource nous restait. Désigner notre établissement seul, par une appellation nouvelle. Voici ce que je vous propose. Si notre maison de bas se trouve au pied de la butte dont est propriétaire Monsieur Auriol, ici présent, notre futur casino sera situé sur le sommet de cette même butte. On peut donc dire que cette butte, ce mont, car c'est un mont, un petit mont, constitue notre établissement, puisque nous en avons le pied et le faîte. N'est-il pas naturel dès lors d'appeler nos bains les bains du mont Auriol, et d'attacher à cette station, qui deviendra une des plus importantes du monde entier, le nom du premier propriétaire? Rendons à César ce qui appartient à César. Et notez, messieurs, que ce vocable est excellent. On dira le mont Auriol comme on dit le mont d'or. Il reste dans l'œil et dans l'oreille. On le voit bien, on l'entend bien. Il demeure en nous. Mont Auriol. Mont Auriol. Les bains du mont Auriol. Et Andermatt le faisait sonner, ce mot, le lançait comme une balle, en écoutait l'écho. Il reprit, simulant des dialogues. « Vous allez au bain du mont Auriol ?»« Oui, madame, on les dit parfaites, ces eaux du mont Auriol. »« Excellente, en effet. Mont Auriol, d'ailleurs, est un délicieux pays. » Et il souriait, avait l'air de causer, changeait de ton pour indiquer quand parlait la dame, saluait de la main en représentant le monsieur. Puis il reprit de sa voix naturelle. Quelqu'un a-t-il une objection à présenter? Les actionnaires répondirent en chœur. Non, aucune. Trois des figurants applaudirent. Le père Auriol, ému, flatté, conquis, pris par son orgueil intime de paysan parvenu, souriait en tournant son chapeau dans ses mains. Et il faisait « oui » de la tête, malgré lui. Un « oui » qui révélait sa joie, et qu'Andermatt observait sans paraître le regarder. Colosse demeurait impassible, mais aussi content que son père. Alors Andermatt dit au notaire « Veuillez lire l'acte pour la constitution de la société, maître Alain. » Et il s'assit. Le notaire dit à son clerc « Allez, Marinet !» Marinet, un pauvre être éthique, tout sauta et, avec des intonations de prédicateur et des intentions déclamatoires, il commença à énumérer les statuts relatifs à la constitution d'une société anonyme, dite « Société de l'établissement thermal du Mont Auriol, à Enval, au capital de 2 millions ». Le père Auriol l'interrompit. « Moment, moment » dit-il. Et il tira de sa poche un cahier de papier graisseux, traîné depuis 8 jours chez tous les notaires et tous les hommes d'affaires du département. C'était la copie des statuts que son fils et lui, d'ailleurs, commençaient à savoir par cœur. Puis il appliqua lentement ses lunettes sur son nez, redressa sa tête, chercha le point juste où il distinguait bien les lettres, et il ordonna « Vas-y, Marinet !» Colosse, ayant rapproché sa chaise, suivait aussi sur le papier du père. Et Marinet recommença. Alors, le vieux Auriol, dérouté par la double besogne d'écouter et de lire en même temps, torturé par la crainte d'un mot changé, obsédé aussi par le désir de voir si Andermatt ne faisait point quelque signe au notaire, ne laissa plus passer une ligne sans arrêter 10 fois le clerc dont il coupait les effets. Il répétait « Tu dis ? Qu'est-ce que tu dis, là ? J'ai point entendu ! Pas si vite !» Puis, se tournant un peu vers son fils, « C'est-il ça, Coloche ?» Coloche, plus maître de lui, répondait « Ça va, Paillé ! Lèche, lèche, ça va !» Le paysan n'avait pas confiance. Du bout de son doigt crochu, il suivait sur son papier en marmottant les mots entre ses lèvres. Mais son attention ne pouvant se fixer au même moment des deux côtés, quand il écoutait, il ne lisait plus, et il n'entendait point quand il lisait. Et il soufflait comme s'il eût gravi un mont. Il transpirait comme s'il eût bêché sa vigne en plein soleil. Et de temps en temps, il demandait un repos de quelques minutes pour s'essuyer le front et reprendre haleine, comme un homme qui se bat en duel. Andermatt, impatienté, frappait le sol de son pied. Gontran, ayant aperçu sur une table le moniteur du Puy-de-Dôme, l'avait pris et le parcourait. Et Paul, à cheval sur sa chaise, le front baissé, le cœur crispé, songeait que ce petit homme rose et ventru, assis devant lui, allait emporter, le lendemain, la femme qu'il aimait de toute son âme. Christiane. Sa Christiane. Sa blonde Christiane, qui était à lui, tout à lui, rien qu'à lui. Et il se demandait s'il n'allait pas l'enlever ce soir même. Les 7 messieurs demeuraient sérieux et tranquilles. Au bout d'une heure, ce fut fini, on signa. Le notaire prit acte des versements. À l'appel de son nom, le caissier, M. Abraham Lévy, déclara avoir reçu les fonds. Puis, la société, aussitôt constituée légalement, fut déclarée réunie en assemblée générale, tous les actionnaires étant présents, pour la nomination du conseil d'administration et l'élection de son président. Toutes les voix, -2, proclamèrent Andermatt président. Les 2 voix dissidentes, celles du paysan et de son fils, avaient désigné Auriol. Bretigny fut nommé commissaire de surveillance. Alors le conseil, composé de messieurs Andermatt, le marquis et le comte de Ravenel, Bretigny, Auriol père et fils, le docteur Latonne, Abraham Lévy et Simon Zidler, pria le reste des actionnaires de se retirer, ainsi que le notaire et son clerc, afin qu'il pût délibérer sur les premières résolutions à prendre et arrêter les points les plus importants. Andermatt se leva de nouveau. « Messieurs, nous entrons dans la question vive, celle du succès, qu'il nous faut obtenir à tout prix. Il en est des eaux minérales comme de tout. Il faut qu'on parle d'elles beaucoup, toujours, pour que les malades en boivent. La grande question moderne, messieurs, c'est la réclame. Elle est le dieu du commerce et de l'industrie contemporaine. Or, la réclame, pas de salut. L'art de la réclame, d'ailleurs, est difficile, compliqué et demande un tact très grand. Les premiers qui ont employé ce procédé nouveau l'ont fait brutalement, attirant l'attention par le bruit, par les coups de grosses caisses et les coups de canon. Mangin, messieurs, ne fut qu'un précurseur. Aujourd'hui, le tapage est suspect. Les affiches voyantes font sourire. Les noms criés par les rues éveillent plus de méfiance que de curiosité. Et cependant, il faut attirer l'attention publique. Et, après l'avoir frappé, il faut la convaincre. L'art consiste donc à découvrir le moyen. Le seul moyen qui peut réussir, étant donné ce qu'on veut vendre. Nous autres, messieurs, nous voulons vendre de l'eau. C'est par les médecins que nous devons conquérir les malades. Les médecins les plus célèbres, messieurs, sont des hommes comme nous, qui ont des faiblesses comme nous. Je ne veux pas dire qu'on pourrait les corrompre. La réputation des illustres maîtres dont nous avons besoin les met à l'abri de tout soupçon de vénalité. Mais quel est l'homme qu'on ne peut gagner en s'y prenant bien? Il est aussi des femmes qu'on ne saurait acheter. Celles-là, il faut les séduire. Voici donc, messieurs, la proposition que je vais vous faire, après l'avoir longuement discutée avec monsieur le docteur Latonne. Nous avons classé d'abord en trois groupes principaux les maladies soumises à notre traitement. Ce sont, premièrement, le rhumatisme sous toutes ses formes, herpès, arthrite, goutte, etc., etc. Deuxièmement, les affections de l'estomac, de l'intestin et du foie. Troisièmement, tous les désordres provenant des troubles de la circulation. Car il est indiscutable que nos bains acidulés ont sur la circulation un effet admirable. D'ailleurs, messieurs, la guérison merveilleuse du père Clovis nous promet des miracles. Donc, étant donné les maladies tributaires de ces eaux, nous allons faire aux principaux médecins qui les soignent la proposition suivante. Messieurs, dirons-nous, venez voir de vos yeux, suivez vos malades, nous vous offrons l'hospitalité. Le pays est superbe, vous avez besoin de vous reposer après vos rudes travaux de l'hiver. Venez, et venez non pas chez nous, messieurs les professeurs, mais chez vous, car nous vous offrons un chalet qui vous appartiendra, s'il vous plaît, à des conditions exceptionnelles. Andermatt prit un repos et recommença d'une voix plus calme. Voici comment je suis arrivé à réaliser cette conception. Nous avons choisi 6 lots de terre de 1000 mètres chacun. Sur chacun de ces 6 lots, la Société bernoise des chalets mobiles s'engage à apporter une de ses constructions modèles. Nous mettrons gratuitement ces demeures, aussi élégantes que confortables, à la disposition de nos médecins. S'ils s'y plaisent, ils achèteront seulement la maison de la Société bernoise. Quant au terrain, nous le leur donnons, et ils nous le paieront en malade. Donc, messieurs, nous obtenons ces avantages multiples de couvrir notre territoire de villas charmantes qui ne nous coûtent rien, d'attirer les premiers médecins du monde et la légion de leurs clients, et surtout de convaincre de l'efficacité de nos eaux les docteurs éminents qui deviendront bien vite propriétaires dans le pays. Quant à toutes les négociations qui doivent amener ces résultats, je m'en charge, messieurs, et je les ferai non pas en spéculateur, mais en homme du monde. » Le père Auriol l'interrompit. Sa parcimonie auvergnate s'indignait de ce terrain donné. Andermatt eut un mouvement d'éloquence. Il compara le grand agriculteur qui jette à poignée la semence dans la terre féconde, avec le paysan rapace qui compte les grains et n'obtient jamais que des demi-récoltes. Puis, comme Auriol, vexé, s'obstinait, le banquier fit voter son conseil et ferma la bouche au vieux avec 6 voix contre 2. Alors, il ouvrit un grand portefeuille de maroquin et tira les plans de l'établissement nouveau, de l'hôtel et du casino, ainsi que les devises et les marchés tout préparés avec les entrepreneurs pour être approuvés et signés séance tenante. Les travaux devaient être commencés dès le début de l'autre semaine. Seuls les deux Auriol voulurent voir et discuter. Mais Andermatt, irrité, leur dit « Est-ce que je vous demande de l'argent ? Non ! Alors fichez-moi la paix ! Et si vous n'êtes pas content, nous allons voter encore une fois !» Ils signèrent donc avec les autres membres du conseil, et la séance fut levée. Tout le pays les attendait pour les voir sortir, tant l'émotion était grande. On les saluait avec respect. Comme les deux paysans allaient rentrer chez eux, Andermatt leur dit « N'oubliez pas que nous dînons tous ensemble à l'hôtel et amenez vos fillettes, je leur ai apporté de petits cadeaux de Paris. » On se donna rendez-vous pour 7 heures, dans le salon du splendide hôtel. Ce fut un grand repas, où le banquier avait invité les principaux baigneurs et les autorités du village. Christiane présidait, ayant à sa droite le curé et le maire à sa gauche. On ne parla que de l'établissement futur et de l'avenir du pays. Les deux petites Orioles avaient trouvé sous leur serviette deux écrins contenant deux bracelets ornés de perles et d'émeraudes. Et affolées de joie, elles causaient, comme elles n'avaient jamais fait, avec Gontran placé entre les deux. L'aînée elle-même riait de tout son cœur aux plaisanteries du jeune homme, qui s'animait en leur parlant, et portait, à part lui, sur elle, ses jugements de mal, ses jugements hardis et secrets, qui naissent de la chair et de l'esprit devant toute femme désirable. Paul ne mangeait point et ne disait rien. Il lui semblait que sa vie allait finir ce soir-là. Tout à coup, il se souvint qu'il y avait juste un mois écoulé, jour pour jour, depuis leur dîner au lac de Tazenat. Il avait dans l'âme cette souffrance vague, faite plutôt de pressentiments que de chagrin, connue des seuls amoureux. Cette souffrance qui rend le cœur si pesant, les nerfs si vibrants, que le moindre bruit fait haleter, et l'esprit si misérablement douloureux que tout ce qu'on entend prend un sens pénible pour se rapporter à l'idée fixe. Dès qu'on eut quitté la table, il rejoignit Christiane dans le salon. « Il faut que je vous voie ce soir, » dit-il, « tout à l'heure, tout de suite, puisque je ne sais plus quand nous pourrons nous trouver seuls. Savez-vous qu'il y a aujourd'hui juste un mois ?» Elle répondit « Je le sais. » Il reprit « Écoutez, je vais vous attendre sur la route de la Roche-Pradière, avant le village, auprès des châtaigniers. Personne ne remarquera votre absence en ce moment. Venez vite me dire adieu, puisque nous nous séparons demain. » Elle murmura « Dans un quart d'heure, j'y serai. » Et il sortit, pour ne plus rester au milieu de cette foule qui l'exaspérait. Il prit à travers les vignes, le sentier suivit un jour, le jour où ils avaient regardé ensemble la Limagne pour la première fois. Et bientôt il fut sur la grande route. Il était seul, il se sentait seul, seul par le monde. L'immense plaine invisible augmentait encore cette sensation d'isolement. Il s'arrêta juste à l'endroit où il s'était assis, où il lui avait déclamé les vers de Baudelaire sur la beauté. Comme c'était loin déjà. Et heure par heure, il retrouva dans son souvenir tout ce qui s'était passé depuis. Jamais il n'avait été aussi heureux, jamais. Jamais il n'avait aimé aussi éperdument, et en même temps aussi chastement, aussi dévotement. Et il se rappelait le soir du jour de Tazenat, voici un mois ce jour-là même, le bois frais, mouillé de lumière pâle, le petit lac d'argent et les gros poissons qui frôlaient sa surface, et leur retour, quand il la voyait marcher devant lui, dans l'ombre et dans la clarté, sous les gouttes de clair de lune qui lui tombaient sur les cheveux, sur les épaules et sur les bras, à travers les feuilles des arbres. C'étaient les heures les plus douces qu'il eût goûtées de sa vie. Il se tourna pour regarder si elle ne venait point. Il ne la vit pas, mais il aperçut la lune apparue sur l'horizon, la même lune qui s'était levée pour son premier aveu, se levait maintenant pour son premier adieu. Un frisson lui courut sur la peau, un frisson glacé. L'automne venait, l'automne qui précède l'hiver. Il n'avait pas senti jusqu'à présent ce premier toucher du froid, qui le pénétrait brusquement comme la menace d'un malheur. La route blanche, poudreuse, s'allongeait devant lui, pareille à une rivière entre ses berges. Une forme soudain se dressa au détour du chemin. Il la reconnut aussitôt, et il l'attendit, sans bouger, frémissant du bonheur mystérieux de la sentir s'approcher, de la voir venir vers lui, pour lui. Elle allait à petits pas, sans oser l'appeler, inquiète de ne point le découvrir encore, car il restait caché sous un arbre, et troublée par le grand silence, par la claire solitude de la terre et du ciel. Et devant elle, son ombre s'avançait noire et démesurée, la précédant de loin, semblant apporter vers lui quelque chose d'elle, avant elle-même. Christiane s'arrêta, et l'ombre aussi resta immobile, couchée, tombée sur la route. Paul fit rapidement quelques pas, jusqu'à la place où la forme de la tête s'arrondissait sur le chemin. Alors, comme s'il eût voulu ne rien perdre d'elle, il s'agenouilla, et, se prosternant, posa sa bouche au bord de la sombre silhouette. Ainsi qu'un chien assoiffé boit, rampant sur le ventre dans une source, il se mit à baiser ardemment la poussière, en suivant les contours de l'ombre bien-aimée. Il allait ainsi vers elle, sur les mains et sur les genoux, parcourant de caresses le dessin de son corps, comme pour recueillir de ses lèvres l'image obscure et chère étendue sur le sol. Elle, surprise, un peu effrayée même, attendit qu'il fût à ses pieds pour s'enhardir à lui parler. Puis, quand il eut relevé la tête, toujours à genoux, mais l'étreignant à présent de ses deux bras, elle demanda « Qu'as-tu donc ce soir ?» Il répondit « Liane, je vais te perdre !» Elle enfonça tous ses doigts dans les cheveux épais de son ami et, se penchant, lui renversa le front pour lui baiser les yeux. « Pourquoi me perdre ?» dit-elle, souriante, confiante. « Puisque nous allons nous séparer demain. »« Nous séparer ? Pour si peu de temps, chérie ?» « Sait-on jamais, nous ne retrouverons point les jours passés ici. »« Nous en aurons d'autres, qui seront aussi beaux. » Elle le releva, l'entraîna sous l'arbre où il l'avait attendu, le fit asseoir auprès d'elle, plus bas, pour avoir toujours la main dans ses cheveux. Et elle lui parla sérieusement, en femme réfléchie, ardente et déterminée, qui aime, qui a tout prévu déjà, qui sait d'instinct ce qu'il faut faire, qui est résolu à tout. « Écoute, mon chéri, je suis très libre à Paris. William ne s'occupe jamais de moi. Ses affaires lui suffisent. Donc, puisque tu n'es pas marié, j'irai te voir tous les jours, tantôt le matin, avant déjeuner, tantôt le soir, à cause des domestiques qui pourraient jaser si je sortais à la même heure. Nous pourrons nous rencontrer autant qu'ici, même plus qu'ici, car nous n'aurons pas à craindre les curieux. » Mais il répétait, la tête sur ses genoux et lui serrant la taille, « Liane, Liane, je vais te perdre, je sens que je vais te perdre. » Elle s'impatientait de ce chagrin irraisonné, de ce chagrin d'enfant dans ce corps si vigoureux. Elle, si frêle auprès de lui, et si sûre d'elle pourtant, si sûre que rien ne pourrait les séparer. Il murmurait, « Si tu voulais, Liane, nous nous sauverions ensemble, nous irions très loin, dans un beau pays plein de fleurs, pour nous aimer. Dis, veux-tu que nous partions, ce soir, veux-tu ?» Mais elle haussait les épaules, un peu nerveuse, un peu mécontente qu'il ne l'écoutât point, car ce n'était plus l'heure des rêveries et des gamineries tendres. Il fallait, à présent, se montrer énergiques et prudents, et chercher les moyens de s'aimer toujours sans éveiller aucun soupçon. Elle reprit « Écoute, chérie, il s'agit de bien nous entendre et de ne pas commettre d'imprudence ni de faute. D'abord, es-tu sûre de tes domestiques ? Ce qu'il y a de plus à craindre, c'est une dénonciation, une lettre anonyme à mon mari. De lui-même, il ne devinera rien. Je connais bien William. » Ce nom, deux fois répété, irrita tout à coup le cœur de Paul. Il dit nerveux, « Oh, ne me parle pas de lui ce soir !» Elle s'étonna. « Pourquoi ? Il le faut bien pourtant. Oh, je t'assure qu'il ne tient guère à moi. » Elle avait deviné sa pensée. une obscure jalousie, encore inconsciente, s'éveillait en lui. Et soudain, s'agenouillant et lui prenant les mains, « Écoute, Liane !» Il se tut. Il n'osait pas dire l'inquiétude, le soupçon honteux qui lui venait, mais il ne savait comment les exprimer. « Écoute, Liane, comment es-tu avec lui ?» Elle ne comprit pas. « Mais très bien. »« Oui, je sais, mais écoute, comprends-moi bien, c'est ton mari. Enfin, et tu ne sais pas combien je pense à ça depuis tantôt. Combien ça me tourmente, ça me torture. Tu comprends, dis. » Elle hésita quelques secondes, puis soudain elle pénétra son intention tout entière, et avec un élan de franchise indignée, « Oh, mon chéri, peux-tu penser ? Oh, je suis à toi, entends-tu ? Rien qu'à toi, puisque je t'aime. Oh, Paul !» Il laissa retomber sa tête sur les genoux de la jeune femme, et d'une voix très douce, « Mais, enfin, ma petite Liane, puisque c'est ton mari, comment feras-tu ? Y as-tu songé ? Dis, comment feras-tu ce soir ? Ou demain ? Car tu ne peux pas toujours lui dire non. » Elle murmura, très bas aussi, « Je lui ai fait croire que j'étais enceinte, et ça lui a suffi. Oh, il n'y tient guère, va. Ne parlons plus de ces choses-là, mon chéri. Tu ne sais pas comme ça me froisse, comme ça me blesse. Fie-toi à moi, puisque je t'aime. » Il ne remua plus, respirant et baisant sa robe, tandis qu'elle lui caressait le visage de ses doigts amoureux et légers. Mais soudain, « Il faut revenir, » dit-elle, « car on s'apercevrait que nous sommes absents tous les deux. » Ils s'embrassèrent longuement, en s'étreignant à se briser les os. Puis elle partit la première, courant pour rentrer plus vite, tandis qu'il la regardait s'éloigner et disparaître, triste, comme si tout son bonheur et tout son espoir se fussent enfuis avec elle.